propos donc de cet ordre noir, on parlait d'Himmler. Il faudrait mentionner un groupe particulier qui est la Nanerve. Lanerbe, Est-ce que qui a été vu aussi comme dans une historiographie postérieure, souvent romancée, comme un ordre occulte? moi, je ne dirais pas que Lanerbe était vraiment un ordre. C'était plutôt un processus, comment dirais-je, destiné à ce que chaque citoyen allemand puisse, doive, était dans l'obligation de prouver son aryanité à, je crois, 3 ou 4 générations. Hein. Je peux faire erreur, mais à mon avis, le Lanerbe n'était pas un ordre, c'était un. Un institut, Oui, une institution destinée à, je disais, à ce que chaque citoyen puisse prouver son aryanité. Et il y a eu des couples qui ont eu des talents de nuit parce que les cas n'étaient pas rares de citoyens germaniques mariés à des juifs, etc. Et ils ont eu les pères en lui. Oui. À moins que vous soyez d'un Non, non, autre non, avis. je suis d'accord. Simplement pour faire plus large, d'ailleurs, l'Annenerbe est un institut, c'est l'Annenerbe Institut für ta ta ta ta ta. C'est l'héritage des ancêtres. C'est une structure. L'héritage des ancêtres, voilà. C'est une structure qui a été fondée par un paléontologue germano-hollandais, Wirth, pour justement s'intéresser non pas uniquement aux. On va dire au passé racial des citoyens allemands, mais aussi pour réfléchir sur ce qu'était la germanité. Et l'Annenerbe, c'est intéressant parce que c'est une structure à plusieurs niveaux, avec plusieurs départements, et il s'occupait à la fois des recherches historiques, des filiations des Allemands, mais aussi du passé germanique allemand, un point qui est beaucoup plus tragique, c'est l'institut qui finançait les expériences de Mengele. Notamment de lui. Oui, voilà. L'ANERBE, Société d'études pour l'héritage des Voilà, ancêtres, c'est ça. Voilà. chargée de rechercher les origines aryennes de chaque membre de l'ASS et l'aryanité de ses membres. Son siège était au 28 de la Wilhelmstrasse à Berlin. Elle était dirigée par l'Obersturmbannführer Wolfram Sievers et le SS Oberführer Walter Wüst. Mais au-delà de la quête de l'aryanité des SS, c'était vraiment un institut important. Ah oui. Et là, contrairement à la légende qu'on peut colporter depuis longtemps, ce n'était pas quelque chose d'occultiste. Au sein de la Nenerbeu, les occultistes étaient plutôt minoritaires. Il y avait des départements qui s'occupaient des traditions germaniques et des traditions germaniques aussi. Donc patrimoine des contes, des légendes. Et il y avait le fameux département de fouilles archéologiques, où là, il y avait deux types de populations. D'un côté, il y avait des scientifiques de haut rang, comme Franz Altheim, qui était membre de la Nenerbeu, et à côté de ça, il y avait des SS, qui, lorsqu'ils ne trouvaient pas les runes qu'ils pensaient trouver, les gravaient à coups de marteau pour montrer la germanité du site. C'est plus Et pratique. les officiers SS étaient tenus de, quand ils épousaient une femme, étaient tenus à ce qu'elle soit de pur sang aryen. De pur sang, rien. Ils appelaient ça les hohe Frauen, les femmes d'un niveau élevé, par rapport à celles qui sans doute n'étaient pas d'un niveau élevé. Non, mais si, sur l'héritage des ancêtres, oui, cet je crois institut. que, évidemment, l'Annenerbe, on l'a surtout connue par les expériences médicales tout à fait monstrueuses qui ont été faites par le docteur Mengele et par bien d'autres. Et par bien d'autres. Et par bien d'autres, des choses extraordinairement graves, hein, bon, et qui ont touché quand même des dizaines de milliers de personnes, au premier chef, d'ailleurs. Les Juifs grecs, parce qu'ils étaient considérés par les Allemands comme les citoyens européens les plus résistants. Voilà. Et parce que comment fait-on pour survivre quand on boit un bol de lait de chèvre et qu'on mange voilà 3 figues par jour. Voilà. Donc ils étaient partis de cette idée que des gens qui se nourrissaient très peu et qui étaient très costauds et très résistants, donc représentaient pour les tests germains, bon, les sujets de premier plan. Et là, je crois que c'était vraiment quelque chose de pseudo-scientifique, mais peuplé de scientifiques. C'est-à-dire que les objectifs était totalement idéologique, mais par contre la démarche était entièrement scientifique. Et effectivement, comme vous le disiez absolument, très justement, il y avait beaucoup de docteurs et de gens extraordinairement diplômés hein, pour justifier cette création. Et alors, ça allait jusqu'à, par exemple, la reconstitution des squelettes de juifs venant de toutes les régions européennes pour démontrer l'évolution, etc. Et effectivement, le caractère juif, on avait donc on avait quelque chose qui, sur le plan intellectuel, est absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'on avait fixé l'objectif de la démonstration avant d'avoir la rationalité de la démarche. Voilà. Donc les buts étaient connus et on devait démontrer scientifiquement c'était juste, exact, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Voilà. Les expériences médicales, ce n'était pas du tout le secteur qui mobilisait l'essentiel des effectifs de l'ANRB. Il faut surtout ne pas le croire. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'était un des départements. Voilà. Une bonne partie, le gros des départements, c'était quand même les fouilles archéologiques. Et les enquêtes sur la tradition germanique. Mais et là, il y a une influence, on va dire, occultiste au sens large dans cette démarche ou Il y a eu des tentatives. Himmler a tenté d'avancer des personnes comme Willy Gut au sein de la NNRB, mais ces personnes vont très vite avoir une fin de non-recevoir parce que les scientifiques, les vrais scientifiques, même si par opportunisme ont soutenu la NNRB, vont faire des barrages. Un exemple concret d'échec d'une dérive occultisante, la fameuse expédition des nazis au Tibet. Et expédition anthropologique, faite dans les règles de l'époque de l'anthropologie raciale. Himmler voulait imposer à tout prix un mythologue et un runologue. Et les responsables ont dit non, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin, on est déjà... Bon, ils avaient besoin de l'argent de la SS pour faire monter cette expédition, mais c'était en aucun cas une expédition occultiste, ils n'en voulaient pas. Oui, parce que c'était d'abord une démarche occultiste, le maître du monde qui s'est réfugié, etc., venant d'Islande et des terres nordiques au cœur de l'Himalaya, hein, après peut-être avoir d'ailleurs été faire un petit passage par le désert de Gobi, mais enfin, peu importe, c'était vraiment, on est dans des raisonnements... Himmler, par contre, il croyait à ce genre de mythe. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Saint-Yves d'Albert, je veux dire, s'il l'avait lu, forcément. C'est la Gartha. Mais je crois qu'il a été important, dans notre conversation, de préciser que ça n'était en aucun cas un ordre, mais une organisation, en plus. Un institut. Il faut quand même rappeler... En France, on a quand même un monsieur qui s'appelle Guénon et qui soutenait des thèses totalement identiques. Enfin, c'était ses thèses, les thèses de Guénon. Mais Guénon a été utilisé par les... Oui, mais même au-delà de ça, Guénon était un enfant de son époque aussi. Voilà. Il a repris des trucs, même s'il voulait pas, s'il avait écrit son bon livre condamnant la théosophie, ça l'a pas empêché d'être influencé par certaines thèses de son époque. Et de toute manière, Guénon, le problème, c'est qu'il dit, voilà, c'est comme ça. Oui. Moi, je veux bien, mais je veux la soie. Le mythe de l'Atlantide, oui. Et de la Gartha, oui. Etc., le centre du monde, oui. Ça a été copié mot à mot par le nazisme. Bien entendu. Dans ce bouquin, Hitler m'a dit, Gespräche mit Hitler, Hitler dira clairement à Rauschning, chaque Allemand a un pied dans l'Atlantide. Bon, pas vrai, vous qui l'avez lu. Non. Si, tout à fait d'accord. Ouais. Mais simplement, ce mythe de l'Atlantide, ce mythe des Atlantides, c'est quelque chose, là encore, de vraiment très commun à l'époque. Ouais. L'association de l'Atlantide et d'Hyperborée, on le retrouve déjà chez Goethe. Ouais. Et le divan oriental. Bon, et de toute façon, personne n'a peur, parce qu'au fond, on est couvert par Platon. Donc, je veux dire, allons-y. Et sa caverne. Voilà. Et son Atlantide. Le problème avec le nazisme, c'est que, bon, si c'était, par exemple, un dirigeant radical socialiste à la française qui serait fasciné par ça, ça ne ferait peur à personne. Là, c'est quand même un système criminel. Ouais. Et c'est vrai que, de ce point de vue, Himmler, qui est vraiment une figure atypique au sein de l'ASS, avait quand même un profil très particulier. Il avait des obsessions qui n'étaient pas celles du reste du parti nazi. Mais il avait, voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que simplement, simplement sur cette histoire-là, tibétaine, il rencontre quand même le Panchen Lama, il passe un traité avec lui, ils reviennent à l'aéroport, Himmler en personne vient accueillir les comment est-ce qu'on pourrait dire, valeureux explorateurs qui reviennent du Tibet, et on raconte, mais honnêtement, je crois que c'est faux, que dans les ultimes débris des Waffen-SS qui défendent le bunker, il y a quelques Tibétains. Bon, ce qui est probablement faux, alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques Français de la Légion Charlemagne, il y en a environ 300, bon, dont 250 vont mourir, et les 50 autres sont capturés par les Russes. Bon. Mais il n'y a probablement pas, comme on l'a raconté, Tibétain. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais simplement, c'est ce que je dis dans mon ouvrage « Le nazisme revisité », ce qu'on a appelé Tibétain à l'époque, devait être plutôt des volontaires... Des Russes. Pas russe, non. De la République asiatique russe. Voilà. Qui était très anticommuniste. Et qui était, effectivement, qui avait, l'aspect physique asiatique, comme des Kirghizes doivent, mais qui étaient des opposants anticommunistes. C'est vrai que pour le citoyen lambda de l'époque, voir un Chinois, un Asiatique, un Japonais, à Berlin. Ils font aucune différence entre le Tibétain. À Berlin, le 1er mai 45. Ils font aucune différence entre un Tibétain et un représentant alors, de. C'était même très probablement, alors je peux le dire, des ossètes du Nord. Pourquoi? Parce que Hitler pensait que le pays des As, c'était l'Ossétie du Nord. Et c'est pour ça qu'il avait lancé l'offensive absurde. Au lieu de concentrer ses troupes sur Stalingrad pour remonter ensuite par derrière. Sur le CETIR, sur Vladivakaz, ou je ne sais pas comment s'appelle la capitale, qu'on voit aujourd'hui illustré dans les malheurs russes en Asie soviétique. Et il avait ordonné, c'était le général Liszt, maréchal Liszt, qui était le patron des troupes allemandes du Caucase. Il a été limogé parce qu'il refusait. Parce que, comme Stalingrad cédait, il avait peur d'être évidemment coupé de toute retraite. Et Hitler l'avait limogé, il l'avait remplacé par von Mackensen. Le maréchal von Mackensen est allé jusqu'aux portes de Vladivostok, en Ossétie du Nord, parce que c'était là qu'était le pays des As, c'est-à-dire là où était née la race aryenne. Voilà. Et donc il est possible qu'il y ait eu des Ossètes du Nord. Mais ça, c'est fortement probable. De toute manière, l'histoire des Tatars est... Et des Cosaques du Don, c'est connu aussi. Disons, ils avaient gardé un très mauvais souvenir du stalinisme. Oui. Et donc, quand ils ont vu arriver les Allemands, en plus, à l'époque, la SS était en train de morfler, d'un point de vue, morfler énormément. Ils avaient besoin de troupes. Et c'est là que la SS a laissé tomber le discours racial aryen. Voilà, et a ouvert. Et a ouvert les portes aux Français, aux Belges. Voilà. 250 000 étrangers dans la SS en 1945. Hein, oui, pas quand même. S'il était quand même majoritaire. Écoutez, moi, j'ai vécu, comment dirais-je, l'exode de 40, mais j'ai vécu également l'exode des troupes allemandes. Je me souviens, là où j'habitais, ils remontaient du sud. Mais d'Italie. Il y avait des comme c'était au mois de juin, les camions étaient débâchés. Nous étions gosses, hein, on avait 10, 11, 12 ans. On était absolument effrayés de voir les types physiques, pratiquement mongols, des camions entiers, et pas un seul allemand dedans, sauf les chauffeurs. Donc, c'est pas pour les mécaniques, c'était sans doute mieux. Pour les mécaniques, c'était sans doute mieux. Bon, évidemment, au sein du national-socialisme, il y a des éléments occultistes, mais qui ont l'air, à vous entendre, finalement minoritaires. Non, mais complètement fou. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que de temps en temps, ça se situait au Groenland, ensuite au pays des As, le jour suivant, au cœur du monde, en plein Himalaya. Enfin, je veux dire, ces malheureux Aryens, on ne savait pas donner de la tête avec eux. Hein. Bon. Je crois que vous cherchez à recentrer un peu le débat. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas minorer les aspects occultistes du nazisme. Hein. Il ne faut pas les minorer. Simplement, enfin, moi je dirais pour ma part, hein, nous discutons. Non, c'est dans la discussion. Enfin, oui. Je dirais pour ma part que le nazisme, comme beaucoup d'autres organisations de par le monde, à emprunter partout. Oui. L'emprunt partout. C'est devenu un fatra complètement hétéroclite. C'est ce qu'on disait d'ailleurs. C'est le mot important, fatra. Oui, bon. Si vous me permettez. Oui, non, mais je veux dire. Mais... Un fatra. Un fatra. De tout et de rien et tout. Puis, des espèces de conglomérats de théories, de fumeuses ou pas fumeuses, de imiter la maçonnerie, imiter les jésuites, imiter tout ce qui pouvait être bon pour leur truc. Quand, je répète, quand Himmler, à Wevelsburg en 1943, a donné des ordres à la SS en disant fonder l'ordre noir, je répète la phrase, c'est einen Orden guten Blutes der Deutschland dienen kann, un ordre de sang pur qui puisse servir l'Allemagne. Bon, c'est tout. Et il n'est pas, il me paraît pas niable, en tout cas, on ne peut pas le nier, on ne peut pas réfuter. Le SS prêtait serment. Et je répète que les officiers, il y avait l'épreuve du sang, et dans les camps d'entraînement, à balles réelles, et beaucoup y ont perdu la vue pendant les exercices. Non, ce n'était pas de la rigolade. Bon. Alors, ce qui est extraordinaire, pour rebondir là-dessus, c'est comment, quand on est un petit bout d'homme, au teint olivâtre, petit-fils de parents naturels, un des deux, fils de père juif, etc., développer des théories comme celle-là. Je veux dire, quelle contradiction intérieure immense. Oui, quand on sait la vérité, non, soi-même. Je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, au sein de la SS, il y avait, à la fin du régime, il y avait la plus forte opposition aux nazis était au sein des SS. Et certains SS avaient fait des fiches raciales sur Hitler. Quart de sang juif. Et donc il y avait, mais c'est vrai, même de toute manière, même Himmler, quand on voit le petit machin chétif qui vomissait lorsqu'il allait dans les camps de concentration. Et vous avez tout à fait raison. Et quand on évoque cette théorie de base du nazisme, l'arien pur, blond aux yeux bleus, etc., quand on regarde les unités nazies, on se demande où ils étaient. Heydrich. Göring était blanc aux yeux bleus, mais pas Himmler, pas Hess, et pas Fritsch, pas Sauckel et toute la bande. Il était surtout drogué à la morphine. Oh, oui. Mais c'est vrai que Heydrich, c'est la figure du SS. Voilà. Le type froid, blond. Oui. Extraordinairement intelligent. Ouais. Oui. Mais quand même viré de l'armée, oui. Aussi, oui. Même s'il était intelligent. Assassiné à Prague. Ouais. Et c'est vrai que c'est le côté, l'image qu'on a du SS, quoi, tout simplement. Oui. Mais pour revenir à la question initiale, c'est-à-dire, est-ce que les occultistes étaient minoritaires au sein du parti nazi? Oui, ils étaient minoritaires. Simplement, la majorité de ces minoritaires se trouvaient dans la SS. Mmh. Mmh. Faut vraiment faire une distinction entre parti nazi et SS. Mmh. Et Hitler lui-même Hitler, non, mais si, bah, Hitler, il faut le dire. Hitler avait des mages. Voilà. Bon. Oui. Bon, alors ça, il faut en parler. Ça, c'est très important. Anussen pour commencer. Et puis, bon, pardon, allez-y. Voilà. Mais il faut voir si les mages n'étaient pas utilisés à la façon de Mitterrand utiliser des voyantes. Mais alors attendez, mais fantastique ce que vous venez de dire. Vous rejoignez absolument ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour vous donner raison. À propos des influences de Hitler manipulé par. Vous dites des mages, c'est très bien, vous l'avez précisé, mais qui possédait des pouvoirs occultes, mais noirs. Il y a une magie blanche, mais il y a une magie noire. Ah ben là, c'était la magie noire, parce que. Comment est-ce qu'est mort Anussen? Bon, qui était quand même le plus. Il était. Peut-être préciser un peu qui c'est. C'était le mage à la mode à Berlin, dans les années 34-35. Bon, voilà. Et lui, il a eu une très mauvaise idée. C'est qu'il était très lié à Heydrich, à Himmler, etc., et à Hitler. Et il a inauguré son nouveau siège social, si j'ose dire, bon, où il faisait ses consultations. Vaste bâtiment, etc., parce qu'il était très fortuné, il avait la meilleure clientèle. Bon. Et ça se passait une journée avant l'incendie du Reichstag. Et il a prédit l'incendie du Reichstag. Il s'est mis à hurler comme ça dans tous les dignitaires. « Je vois le Reichstag qui brûle, etc. » Voilà. Bien. 3 jours après, on l'a retrouvé dévoré par les chiens dans la campagne. Alors pour Anussen, il y a peut-être une chose. Comme vous dites, il avait une clientèle très particulière. il a très bien pu entendre une conversation. C'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on l'a condamné à mort. Oui, on l'a condamné à mort parce qu'il avait révélé un secret, parce qu'il était probablement, il avait probablement entendu qu'un complot se préparait. Non, mais c'est vrai que Hitler, je suppose que c'est pour un besoin de se rassurer, avait besoin de ce genre de personnes autour de lui. Dire que là, je suis vraiment pas d'accord sur l'idée de force occulte. Il avait vraiment besoin de se rassurer, comme d'autres gouvernants de l'époque avaient besoin de voyantes. Mitterrand, mais j'aurais pu prendre Reagan. Autre point avec Reagan. Reagan croyait bon aux petits hommes verts. Donc c'est Reagan, donc ça choque personne. Ça serait par exemple Staline, ça poserait plus de problèmes. Je veux dire, ce n'est pas le fait d'avoir des voyantes ou des mages ou d'avoir des croyances aberrantes qui sont dangereuses. C'est de savoir qui les a. Alors, je rebondis là-dessus positivement parce que malheureusement, le nom m'échappe. Mais à cette époque-là, en 1941, Hitler avait un mage très connu. Bon. Et ce mage lui faisait des prédictions parfaitement fiables. Jusqu'au jour où il a oublié de le prévenir que embarqué à bord d'un Messerschmitt de la dernière génération, allait se diriger tout droit vers la Grande-Bretagne. Bon. Et il en est mort, le magicien. Bon. Voilà. Donc, il gardait quand même suffisamment de lucidité, Hitler, pour punir, si j'ose dire, les faussaires. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà. Donc, ces mages ont une influence sur Hitler, ou Hitler s'en sert dans un processus pour se rassurer et je crois que ça vérifie exactement ça, c'est-à-dire que c'est pour se rassurer et que quand par hasard, évidemment, les événements contredisent de manière spectaculaire, pour Hitler, c'est aussi une question d'essence et de respect de lui-même et surtout de respect des autres à son endroit, c'est-à-dire qu'il doit sanctionner celui qui est objectivement mauvais dans sa prédiction. Voilà. Mais sinon, pour revenir au rapport entre les nazis et l'occultisme, bon, il y a un point qui est important de repréciser, c'est que même s'il y a des folkish dans l'entourage de Himmler, ou même si Himmler est un folkish et qui est attiré par ce genre de théorie, tous ceux qui avaient ce genre de discours ont fini en camp. Lors de la mise au pas, que ce soit les structures néo-païennes, certains occultistes ou autres, ils ont tous fini en camp. En camp de rééducation. La mise au pas, la Gleichschaltung. Ouais. Alors, ce qui est curieux, c'est que les Américains sont parvenus à convaincre des Allemands de venir aux États-Unis, des mages allemands qui avaient approché Hitler et travaillé avec lui sur la prédiction du futur. Ils les ont fait travailler avec comme but d'intoxiquer les hauts dignitaires nazis. Et notamment, il leur demandait de faire des prévisions individuelles sur les... Enfin, comment est-ce que vous appelleriez ça ? Des thèmes astraux, et notamment d'Hitler. Et ils publiaient donc dans la presse américaine des thèmes astraux détestables sur Hitler dans les années 44, en 44. Ce qui touchait, paraît-il, beaucoup Hitler, qui détestait dire des choses néfastes sur lui-même. Et là, c'est de la guerre de propagande. Alors, c'est de la guerre psychologique. On est dans la guerre psychologique. Vous ne connaissez pas ce... Donc, bon, je pense qu'on a fait un point sur... Enfin, dans la mesure du temps, dans la mesure du... C'est possible, sur, en tout cas, le régime national-socialiste, en partie dans ses relations avec l'occultisme. Maintenant, peut-être essayer de voir dans un dernier moment de la conversation comment cette théorie sur un occultisme nazi se trouve popularisée dans le temps, à la fois dans les années 30 hors d'Allemagne ou en Allemagne, et puis surtout après-guerre. Donc moi, j'ai relevé déjà plusieurs ouvrages qui, avant même l'arrivée du national-socialisme, accusent le pan-germanisme d'être soutenu par des forces occultes. Donc l'un des premiers que j'ai relevé, c'est en 1915, donc pendant la guerre, Flavien Brenier, donc anti-maçon français, qui écrit « L'Allemagne occulte, le vieux dieu des Allemands », qui est préfacé par Maurice Barrès. Coppa Abancelli aussi en 1925 publie La guerre occulte où il Donc il était sur une conspiration mondiale juive, et là, cette théorie devient une guerre entre société secrète juive et société secrète pan-germaniste. Ensuite, on a dans la RIS, on a certains articles de Charles Nicolot, en particulier sur la croix gammée, à partir du moment où les nazis commencent à utiliser ce symbole, le svastika, avec les théories sur le double sens du symbole. Ouais. Et on a aussi, après ça, certains ouvrages populaires, même si certains y ont vu des éléments initiatiques, comme les sept têtes du dragon vert de Teddy Legrand, donc 1930. Et dans des mouvements spiritualistes anti-nazis, Édouard Sabie, Hitler et les forces occultes en 1939, qui est réédité après-guerre sous le titre « Le tyran nazi et les forces occultes ». Donc déjà à cette époque-là, déjà dans les années 30, le régime national-socialiste, ou le proto-régime national-socialiste, est vu comme soutenu par des forces occultes. Je ne sais pas si vous avez des... Oui. Les origines, j'en ai pas. Sur les années 30, c'est vrai qu'un certain nombre de structures catholiques vont présenter les nazis et le national-socialisme comme une structure occultiste, noire ou néo-païenne, parce que généralement ces auteurs vont défendre les catholiques allemands qui vont connaître le Kirchenkampf, c'est-à-dire la persécution des églises. Et à partir de ce moment-là, on va dire en règle générale, les catholiques vont considérer le national-socialisme comme un néopaganisme. Sauf que ce que les catholiques entendent par néopaganisme n'est pas la même chose que ce que peut être le néopaganisme pour les néopaïens, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, il y a des synthèses qui vont se faire en voyant le nazisme comme une structure néopaïenne. Mais à la base, c'est une condamnation des persécutions des catholiques. Ça, c'est un premier point. Après, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui vont commencer à écrire dans les années 30, qu'on va retrouver dans les années 60, comme Pierre Marial, qui vont être influencés. Oui. Teddy Legrand, qui vont reprendre certains éléments catho-réac pour les diffuser, et on va retrouver ça par la suite dans Le Matin des Magiciens. J'ai très très bien connu personnellement Pierre Marial. J'étais loin d'être toujours d'accord avec lui. Donc, qui a d'ailleurs publié après-guerre même le nazisme Société Secrète sous le nom de sous le pseudonyme de Gerson. Hein. Mais c'est vrai que les premiers à s'inquiéter de l'aspect, on va dire, néo-païen, occulte des nazis, ça va être quand même le milieu catholique, dans un premier temps. Je pense à une revue, à un article d'un dominicain, dont j'ai oublié le nom, qui avait publié dans Études, la revue des Jésuites, un article qui s'intitulait, si je ne me trompe pas, « Les Allemands adorent-ils Vaudan ?» ou... Voilà, ça commence déjà. Il commence déjà à avoir des études qui font la synthèse entre les idées folkish, néo-païennes, et le nazisme. Ça va commencer très rapidement à ce moment-là. Oui. Monsieur Valotte, oui, non, je dirais pas vraiment les milieux catholiques. Je dirais les milieux des ordres catholiques, c'est-à-dire les milieux monastiques, c'est-à-dire non pas le clergé séculier, mais le clergé régulier. Parce que le clergé séculier, Hitler va le tranquilliser en passant un accord que vous savez avec la papauté. Bien. Alors que le clergé régulier, il faut dire qu'il vit dans des espaces qui sont propres à la naissance en sa cervelle, enfin en son imaginaire de mythe occultiste, parce que on vit pas dans les souterrains sous les voûtes gothiques et en gardant les arcs romans, sans évidemment que son esprit s'élève quelque peu et puisse même dériver. Donc c'est vrai que toute cette architecture moyenâgeuse entretient la mythologie, non, mais c'est très clair. Et en plus, il faut reconnaître que il y a une certaine confusion entre l'engagement long que représente le fait de consacrer sa vie à Dieu et une réflexion réactionnaire sur la vie courante et la vie des hommes tels qu'ils sont. Bon. Et donc tout ça, évidemment, crée un mélange assez dangereux qui font que, par exemple, plusieurs grands nazis français iront trouver refuge, parce qu'ils sont déjà en 45 en Allemagne, chez des frères, enfin au sein de couvents allemands, qui les accueilleront bien volontiers et qui les cacheront. Ça sera vrai, par exemple, pour Monseigneur de Lupé, et ça sera vrai en Allemagne, mais ça sera également vrai en Espagne, bien sûr. De Lupé, qui était le de la Légion. Voilà, aumônier de la Légion française de l'Ordre, puis Waffen-SS. Et de la Waffen-SS, alors, française. Française. Alors, là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous parlez du clergé séculier. Hitler avait bien dit, dans sa mise au pas, Gleichschaltung, pour tout le monde, pour toutes les églises. Sauf qu'il est revenu en arrière. Oui, il n'empêche que, par exemple... Parce qu'il a bien compris que 80% des Allemands étaient catholiques. C'est le contraire. Et pardonnez-moi. Non, mais il a bien compris qu'il fallait... Disons, l'Église chrétienne, on ne pouvait pas l'avoir complètement à dos si on voulait maîtriser la population. Ceci étant dit, il y a tout de même eu deux pasteurs très connus, Bonhoeffer et Niemöller, oui, qui ont payé de leur vie. Hein. Oui, mais ça, c'est après 40. J'entends bien. Et jusqu'en 38-39, il cherche un accord avec la papauté, et il l'obtient et il le signe. Alors, ceci étant dit, si on prend l'exemple de l'Église protestante luthérienne, il y a eu une scission. Il y a eu deux églises. Oui. L'église confessante, dit Bekennende Kirche, qui, elle, a continué au risque d'y perdre la vie. Exemple, les deux pasteurs connus, là. Et puis bien d'autres chrétiens protestants qui ont continué à être fidèles à l'engagement chrétien. Alors que pendant ce temps-là, une autre tranche de pasteurs allait jusqu'à prêcher en uniforme nazi. De même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien vu en maçonnerie allemande des vénérables, hélas, c'est une des grandes hontes, des vénérables allemands présider les travaux en uniforme nazi. Ça, ce sont des hontes, il n'y a pas de terme. Bon. Oui, enfin, voilà. Et comme vous disiez, pour les protestants allemands, les chrétiens allemands. Oui. Voilà, la partie qui était... Deutsche Christen. Voilà. Ça, c'est le côté légaliste luthérien. Oui. Voilà. On obéit aux ordres. Oui. Puis bon, d'un autre côté, il faut être honnête aussi, l'antisémitisme, à l'époque, c'était quelque chose de très partagé, oui, y compris dans les milieux protestants. Oui. Pour des Niemöller ou des Bonhoeffer, c'était une minorité. Tout à fait. Je crois que c'est Bonhoeffer qui était limite sur le judaïsme. Oui. Il était pas pour la persécution, mais s'il se convertissait, c'était quand même mieux. Exact. Et je vous préciserai, en même temps, juste un petit mot sur les tendances pendant deux siècles de la maçonnerie allemande prussienne. C'est très, très tardivement que les Juifs ont été admis dans les loges. Très tardivement. Et puis, il faut aussi le dire, c'est assez tardivement que les Juifs ont été poursuivis. En Allemagne, la nuit de cristal, c'est 38, il ne faut pas l'oublier. Oui. Avant la nuit de cristal, qu'est-ce que cherche à faire Himmler? Et ça, il faut rétablir la vérité historique. Himmler cherche à expulser les Juifs. Et il faut quand même dire qu'il y a 150 000, entre 36 et 38, il y a 150 000 Juifs allemands qui sont allés en Palestine et 120 000 Juifs autrichiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, dès 38, tous les Juifs autrichiens sont venus en Allemagne. Et donc, ce qui a fait que les 400 000 Juifs allemands, qui s'étaient vidés de moitié, si j'ose dire, par le transfert en Palestine, se sont complètement reconstitués avec le transfert des Juifs autrichiens. Ce n'est qu'à partir de 38 qu'on a changé de méthode. Voilà. Bon. Et que là, bien sûr, il y a eu la nuit de cristal qui a abouti à des ponctions financières, l'accaparement total des biens économiques juifs. Bon. Et puis ensuite, toujours d'ailleurs, ensuite cette idée de favoriser l'expulsion, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 38, 39 et jusqu'en 40, il y a environ 80 000 Juifs allemands qui sont venus en France. Il ne faut pas l'oublier. J'ai un exemple qui m'est tout à fait personnel. Et avec un transfert favorisé par le chemin de fer, gracieux. Hein. Moi, j'ai eu un cousin par alliance juif américain, dont les parents n'ont pas attendu au-delà. Dès 1933, ils sont partis aux États-Unis. Oui. Et sans difficulté. Oui. Hein. Il est récemment décédé à 95 ans, quelque chose comme ça. Il s'appelait Berger, Berger. Et même, je dirais, jusqu'à Wannsee, enfin, la solution finale, début, donc, le début de 42, vous savez qu'on avait envisagé... La conférence de Wannsee. Voilà. Et avant, on avait envisagé d'expulser les Juifs jusqu'à Madagascar même, enfin, d'essayer de résoudre le problème par la suppression du problème en expulsant tous les Juifs. Oui, mais ça c'est tout à fait connu. Hitler dans Mein Kampf dit qu'il admire le système de ségrégation à l'américaine. Voilà. C'est bon d'un point de vue de spécialiste, c'est le débat entre les intentionnalistes et les fonctionnalistes. C'est ça. Tout simplement. Mais le problème de Wannsee, c'est lorsqu'ils sont trouvés dans le Judenland, ils sont trouvés face à une masse de Juifs énorme. Et là, on peut plus les expulser. On va commencer à mettre les chambres à gaz roulantes, les Einsatzgruppen, etc. en marche, dans le but d'éliminer un maximum de personnes. Et comme ça ne marchait pas encore, on va mettre en place le camp de la mort. Voilà. Mais il faut quand même se souvenir que sur les 5 millions, on va dire pour simplifier, de Juifs qui ont été exécutés pendant la guerre par les Allemands, il y en a que 2,5 millions qui sont morts dans les chambres à gaz. 2,5 millions qui ont été abattus. Voilà, vous savez comment on appelle ça, la Shoah par balle, mais c'est exactement le terme qui convient. Et la Shoah par balle, elle a commencé dès l'invasion de la Pologne, puis ensuite lors de l'invasion de la Russie, de l'URSS, pardon. Voilà. Donc la solution finale n'a pas commencé après Wannsee. La solution finale par gaz, par Zitmomblé, a commencé, bien sûr. Beaucoup plus tardive. Voilà, à partir de la deuxième partie de 42, mais la Shoah par balle, elle date de 1940, septembre. Voilà. Non, tout à fait d'accord. Simplement, la Shoah par balle, le but était d'éliminer les partisans ou les juifs, comme les deux étaient les mêmes généralement. C'était plus simple. Voilà. Donc, peut-être, pour conclure, arriver à ces explorations de l'après-guerre sur cette popularisation d'un occultisme nazi. Donc, on a vu que c'était un phénomène assez compliqué et... Après... Voilà, en particulier, on peut penser au Matin des magiciens qui... Une nostalgie. Il y aura toujours des nostalgiques. Est-ce que c'est une nostalgie ? Non, il y a deux choses, je pense. Du côté de Berger et Powells, il y a une volonté de comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Europe, dans les années 60, l'historiographie sur le Troisième Reich est plus que lacunaire. Mmh. Ça va se développer seulement à partir des années 70. Mmh. Donc il y a quand même dans la population une partie de gens qui veulent savoir pourquoi. Et le Matin des magiciens tombe bien, en fait. Et tombe bien aussi pour notre raison, c'est comme Didier Lemasson vient de le dire, il y a des nostalgiques. Certains n'ont vraiment pas du tout connu cette période-là, ils avaient besoin de se bricoler un passé. Et tous les Saint-Loup et compagnie se sont inventés un paganisme. Un peu de Saint-Loup, expliquez un tout petit peu. Quelques mots qui est Saint-Loup. Saint-Loup, de son vrai nom Marc Augier, était un écrivain français, proche de Talant. Tout à fait. Proche de Léo Lagrange pendant le Front Populaire, pacifiste intégral. Il était même dans son cabinet, je crois. Oui. Pacifiste intégral, amoureux fou de la nature, et au fur et à mesure s'est radicalisé au point de que lui, l'antimilitariste proche du Parti communiste, va s'engager dans la Waffen-SS, et il va jamais renier son engagement, et à partir de ce moment-là, va se radicaliser de plus en plus, et il va écrire après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60, un certain nombre de livres apologétiques de l'ASS. Et il va développer l'idée que l'ASS est un mouvement néo-païen, va inventer toute une série de légendes, dont le fameux avion de chasse qui a fait un crogamé au-dessus de la tombe de Thoran, ce genre de... au-dessus de Montségur. Ce qu'il faut à plusieurs raisons, déjà parce que les avions de chasse n'existaient pas à l'époque. Mais voilà, c'est lui qui va mettre ça en place, et il va être suivi par un phénomène de synchronicité, par des fous furieux, je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, comme Miguel Serrano, le diplomate chilien, ou Savitri Devi, la française convertie à l'hindouisme. Et c'est des personnes qui n'ont pas participé au mouvement nazi, qui ont connu le mouvement nazi, qui ont voulu y participer, et qui sont inventés tout un passé, qui ont de bric et de broc, après la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, les deux mouvements vont se développer. D'accord, donc un des mythes voulant expliquer finalement quelque chose vu comme incompréhensible et une récupération politique de l'autre par des mouvements néo-nazis. C'est le mythe qui explique tout ça. Et c'est vrai que le mythe... Le pouvoir du mythe. Oui, et le mythe en plus est ambivalent. Certains nazis vont prendre le Matin des magiciens. Et certaines personnes intéressées par le Matin des magiciens vont prendre les mythes nazis. Et dans les années 70, ça va faire un fatras, puisqu'on a utilisé plusieurs fois le terme, assez nocif. On va retrouver toute une littérature qui vont se copier les uns les autres en prenant les éléments les plus radicaux. Il y a des grands thèmes transversaux, par exemple Hitler et sa filiation avec des groupes occultistes comme la Golden Dawn, la Thule, l'Ordre Noir SS comme un mouvement magique, Aleister Crowley. Oui, parce que c'est intéressant. Donc, rapidement, les thèmes qu'on retrouve dans Oui, parce que au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les maçonneries quelque part, les mouvements maçonniques ou anglais et allemands, sont frères, se connaissent, etc., se sont rencontrés. Bon, et donc c'est l'idée de S. S va sans doute, après en avoir averti Hitler, qui pensait pas qu'il le ferait, faire son fameux vol. Bon, et qui va-t-il voir? Il va voir Kirkpatrick, il va voir Lord Hamilton, il va voir il va voir aussi toute la partie du cabinet anglais de Churchill qui est favorable à la paix séparée avec l'Allemagne. Bon, parce qu'en 41, c'est pas évident que les Allemands vont perdre la guerre. Personne le sait, on sait pas trop ce qui s'est passé pendant l'hiver 40-41 Russie. Personne le sait, sauf les Allemands. Bon, et qu'est-ce que fait Churchill? Dès que S atterrit, enfin, dans les circonstances que vous savez, son avion est abattu et, bon, il est blessé, il a le bras cassé, je crois. Bon, voilà. Et il le kidnappe. Pourquoi? Parce que là, on murmure que la reine et le roi, tout ça, voudraient le voir, parce que tout de même, le Kaiser, c'est le cousin de sa gracieuse majesté, etc. Bon. Et on dit que, tous ces liens entre finalement nazis et diplomates britanniques tiennent à Aleister Crowley, qui les a fait se rencontrer, qui a fait nouer des liens qu'il y a entre les ésotéristes britanniques et les ésotéristes allemands, des liens qui passent par Crowley. Voilà. Oui, on l'a dit, ça. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la fraternité. Lequel Crowley, vous vous souvenez, est celui qui a inventé le V, adopté par Churchill, et qui est donc le symbole de la victoire dès 1940. Et donc qui est en odeur de sainteté auprès du gouvernement britannique. Mais pour Crowley, il y a Giorgio Galli, l'universitaire italien, qui a dit qu'il y avait de liens très forts entre certains mouvements initiatiques, et bon, pas, il n'a pas précisé, anglais et allemand, ce qui pourrait expliquer l'une des raisons pour laquelle S est parti en Grande-Bretagne. Mais il y a un autre facteur qu'on oublie complètement, c'est que les nazis jusqu'en 35 sont pro-britanniques et veulent une paix, ils veulent surtout pas de guerre avec eux, parce que Hitler, influencé par Chamberlain, dit que les Britanniques sont des Aryens. Et d'ailleurs, il y a l'accord anglo-naval où les Anglais et les Allemands se partagent le tonnage des flottes de guerre sans que les Français soient conviés à la conférence. Oui, ça c'est en 35. Ça c'est en 35, c'est catastrophique pour les Français. Mais le problème, le renversement d'alliance, c'est que les Anglais... Et puis à Dunkerque, ils les laissent s'échapper. Ça, les évident. Anglais vus comme un ennemi, c'est Ribbentrop qui va développer une anglophobie. Voilà. Mais à la base, la politique internationale britannique, nazie, est philo-britannique. Et la famille royale britannique est saxonne. Bien sûr. Ce sont des Saxons. D'ailleurs, ils sont rebaptisés à l'anglaise. Ah oui. Comme vous le savez, oui. Ils sont Saxe-Cobourg, évidemment. Ben oui, oui. Bien. Et il faut. Et Mountbatten, c'est la. Bien sûr. Battenberg, bien entendu. Et donc à Dunkerque, on a maintenant à peu près la preuve que sur le plan militaire, les troupes allemandes ont laissé. Ils voulaient pas que les Français rembarquent. Mais comme ils ont rembarqué en même temps, bon, et ils ont laissé les Anglais s'échapper, c'est-à-dire quand même entre 200 et 220 000 soldats. 220 000, mais 20 000 se sont noyés pendant la traversée, enfin sous les bombardements allemands. 200 000 soldats, je veux dire, c'est là que se joue la Deuxième Guerre mondiale. C'est à Dunkerque, fin mai, dans le premier, et le 1er juin. Voilà. Quand ils espèrent beaucoup, la paix s'est parée, encore à ce moment-là. Donc ça a sans doute éclairci l'histoire de Crowley un petit peu, enfin en tout cas, voilà, il y a aussi d'autres thèmes assez transversaux comme le vril. Alors ça peut-être, qui apparaît dans le Matin des magiciens, je crois que c'est à peu près la première occurrence de cette société du vril. Mais le vril n'existe pas, ça a été piqué au roman de Bulwer Lytton, et de toute manière le Matin des magiciens, il n'y a rien de scientifique dedans, et toutes les références sont des références littéraires. Donc, le roman Coming Race. Oui. ça vient de la race à venir. Et là, ça, c'est du bricolage, de réalisme fantastique. Mais c'est vrai que ça va avoir une postérité phénoménale. De même que les bases nazies au pôle sud, la survie d'Adolf Hitler ou ses relations avec des extraterrestres. Oui. Et tout ça, c'est, on va dire, tout ça est né dans la littérature post-Matin des magiciens, dans tout ce fatras qui va apparaître dans les années 70. Et puis, en remontant beaucoup plus loin, j'émettrai une hypothèse de Bosquelot, dans les influences qu'a subi le nazisme, le mouvement des Illuminaten, des Illuminés de Bavière, qui était avant tout respectueux de l'ordre établi. Oui, c'est un mouvement maçon. Et qui a essaimé en France, parce qu'il y a les pharmaciens d'Avignon, enfin, vous connaissez, bien sûr. Goethe y prendra goût pendant un petit moment. De même qu'il a fait partie pendant un petit moment d'un système maçonnique qui, à une certaine époque, a foutu complètement en l'air la maçonnerie allemande. Je veux parler de la stricte observance templière, qui a complètement explosé au convent de Wilhelmsbad en 1782. Je me demande si dans ces mouvements-là, il n'y a pas des choses un peu précurseurs du futur nazisme. Alors quand vous allez sur cette société de Tulé, bien sûr vous avez tous les articles historiques que vous imaginez, mais aussi vous avez des congrès qui sont encore organisés en Allemagne, auxquels participent. Allez-y. Le Tulé actuel, c'est le Tulé Séminaire. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu qui professe? C'est Pierre Krebs, un ancien fondateur du Grèce en France. Voilà. Donc, ils reprennent la mythologie Tulé, donc hyperboréenne. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec la Tulé. Oui, je suis bien d'accord, mais si ce n'est que politiquement, c'est exactement. Enfin, c'est l'extrême droite française. Ah non, c'est même plus que l'extrême droite. Oui, comment est-ce que vous appelez ça? Racialiste, voilà. Bon. Tous les types qu'on va retrouver au Tulé Séminaire, c'est la bande Jean Mabir et compagnie. Mabir, voilà. Qui va reprendre pas mal de thèmes. Et puis le professeur de Lyon 3, qui s'appelle Pierre Vial. Jean-André Vial, j'ai vu qu'il donnait des conférences, par exemple, en avril dernier, etc. Oui, mais ils reprennent justement toute cette raciologie nazie. Et Mabir a fait beaucoup aussi pour diffuser cette idée de nazisme ésotérique. Et pour conclure là-dessus, il y a une chose qui est toute simple. Ouais. Pierre Vial, son père spirituel, c'est Saint-Loup. D'accord. Mabir qui a d'ailleurs publié plusieurs livres sur cette question-là. Vous pouvez acheter des objets, par exemple des montres ou des t-shirts à la société de Tulé. et tout ça écrit en germain. Tulé Gesellschaft. Peut-être pour conclure. Les 10 t-shirts seront distribués après la conférence. Peut-être pour conclure, comment expliquer la popularisation de ce phénomène dans les années 80-90? On peut penser à Indiana Jones, par exemple, qui est sans doute a diffusé ça. Il y a toute une littérature de pulp, bande dessinée, d'idées aux États-Unis, enfin, qui est une bande dessinée américaine, je crois. Pour la culture populaire, l'intérêt, pourquoi? Ça fait quand même pas mal de bons scénarios, faut être honnête. Ça ouvre des possibilités d'uchronie assez intéressantes. Il y a peut-être toujours la volonté de comprendre qu'on trouve dans les années 60. Et il y a aussi un phénomène d'acculturation. Les personnages comme Himmler, l'aspect historique, même Hitler, les figures historiques ont tendance à disparaître au profit d'une version mythologisée. Ça n'a plus rien de réel, mais c'est des magiciens, hein, c'est des trucs. Himmler et Hitler, s'ils ont fait des chambres à gaz, c'est pas parce qu'ils voulaient éliminer les juifs, c'est pour faire de la nécromancie, ils avaient besoin de ça pour réanimer les nouveaux dieux. Ce genre de choses, c'est des possibilités d'uchronie, c'est des possibilités de pas mal de choses, et je pense que la mythologisation va jouer pour un grand rôle dans ça. Didier Le Maçon, je sais pas si vous avez une... Moi, je suis extrêmement prudent. Non, pas que je ne vais pas m'engager sur le genre, au contraire, je suis pas à mouiller ma chemise. Mais je suis beaucoup moins au courant que vous, qui êtes très jeune, sur les mouvements actuels, sur les mouvements néo-nazis. Je crois qu'il y a je suis pas sociologue, mais je crois qu'il y a un besoin de... Il y a le mythe, il y a un besoin quelque part d'ordre, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils en disent, contre une démocratie qui est vacillante de tous les côtés. Quoi vous dire? Je me sens pas... Je suis trop âgé. Vous, les jeunes universitaires, là. J'aurais juste une réflexion sur Allemands et Autrichiens. On ne doit pas s'étonner si les partis néo-nazis ont les meilleurs scores en Autriche aujourd'hui. C'est une vieille recette autrichienne. Je rappellerai que à peu près 80% des gardiens de camps de concentration et surtout d'extermination et 80% des officiers et des chefs de camp sont des Autrichiens sous le régime nazi. Et donc aucun pays, je dirais que l'Autriche a plus participé que l'Allemagne au massacre des Juifs. Non, c'est tout à fait d'accord. C'était un élément qui m'était totalement inconnu. Ce qui est encore plus dommageable et ce qui va dans votre sens, en Autriche, il n'y a pas eu de dénazification. Non. Exact. Il n'y a pas eu de dénazification. Parce que c'est vite retrouvé sous contrôle soviétique et après ça a été rentré dans le grand jeu de géopolitique entre l'Est et l'Ouest. Et il n'y a pas eu de dénazification. Donc il y a une culture qui se transmet de famille en famille. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, à propos de l'Autriche, Liszt et et Hitler. Et bien d'autres. Ouais, opéra à partir de l'Autriche. Eschmann. Eschmann, bien sûr. Bien sûr, Eschmann. L'Autriche comme l'Allemagne, ont été des terres d'occultisme. Ne l'oublions pas. Et il n'y a que nous, Français, qui présentons l'Anschluss comme... Pardon ? Il n'y a que nous, Français, qui présentons l'Anschluss comme quelque chose de pénible aux Autrichiens. Beaucoup d'Autrichiens en dehors de Dolphus et de Schisnig, il y avait personne qui était en Tunisie. Accueilli les Allemands tout à fait favorablement. Bien entendu. J'aime beaucoup ce mot de Jung disant l'Allemagne est un pays de catastrophe spirituelle. Oui, quelque part, il n'a pas tort. Hein ? Je ne sais pas, enfin, oui, ça me plaît en tout cas. Donc ça correspond assez à un certain nombre de choses. Nous allons peut-être conclure donc sur cette phrase de Jung, l'Allemagne est une catastrophe spirituelle. Donc je vous rappelle donc les ouvrages des différents intervenants, donc Philippe Valode, Hitler et les sociétés secrètes. Didier Lemasson, c'est la franc-maçonnerie et le national-socialisme. Voilà, chez Dervy. Stéphane François, le nazisme revisité, l'occultisme contre l'histoire, chez Berg International. Et également, plus récemment avec moi-même, le complot cosmique aux éditions Arkée.